Chapitre 26e. Monsieur de Beaupré partit, Sir William s'habilla et fit une minutieuse toilette du matin. Puis il demanda son tilbury, y monta, saisit les rênes et prit le chemin de l'ambassade d'Angleterre. Le baronnet était incontestablement un homme habile. Forcé de quitter Londres où la police était à ses trousses, il était venu à Paris et son premier soin avait été de se recommander de l'ambassadeur anglais, dont il avait surpris la bonne foi et capté la confiance à l'aide de faux papiers. Au bout de 8 jours, Sir William s'était au mieux dans les bureaux de l'ambassade et il s'était lié avec 2 jeunes secrétaires dont il comptait bien se servir à la première occasion. Or, cette occasion se présentait. Sir William savait un duel avec Bastien, et il lui fallait d'honorables témoins. Il sauta lestement à terre dans la cour de l'hôtel et se dirigea la tête haute vers les bureaux à l'entrée desquels il fit passer sa carte de gentleman. Sir Arthur G. et Sir Ralph O. étaient 2 jeunes gens à peu près de l'âge du baronnet. Sir Williams possédait un très grand charme de séduction, et ce charme s'exerçait sur les hommes aussi bien que sur les femmes. Il avait plu énormément aux 2 jeunes gens, et ils l'accueillirent avec une cordialité sans égale. « Mes amis, dit Sir Williams, je viens vous demander un service réel. »« Parlez, dirent-ils tous deux. J'ai une affaire d'honneur. Vous cherchez des témoins? Oui, et j'ai songé à vous. Nous sommes prêts, dit Sir Ralph. De quoi s'agit-il? Demanda Sir Arthur. Le baronnet leur raconta de point en point son entrevue avec Bastien et manifesta toute son indignation d'avoir pu être un moment pris pour un rôle de la taille du vicomte Andrea. 2 secrétaires d'ambassade étaient jeunes et par conséquent ils manquaient de sagesse et d'indulgence, ces 2 qualités si nécessaires à ceux qui ont un rôle de témoin à jouer. De plus, ils étaient anglais, c'est-à-dire fort chatouilleux sur le point d'honneur et les convenances. « Il n'y a point à hésiter, dit Sir Arthur, et ce monsieur Bastien doit rendre raison. « Une seule chose me chagrine, objecta Sir Ralph, c'est qu'un homme qui se conduit ainsi ne saurait être un parfait gentleman. « Raison de plus pour le corriger, répondit Sir Williams. L'argument était sans réplique. Les 2 gentlemen demandèrent une voiture de l'ambassade et prirent leur paletot. « Je vous attends chez moi, dit le baronnet, mais je vous en prie, soyez inflexible et posez bien mes conditions. Demain, au bois de Boulogne, à 7 heures du matin, l'épée. Je ne veux pas tuer ce monsieur. Je lui percerai un bras ou lui ferai une boutonnière à la poitrine. » Sir Williams remonta dans son tilbury en se disant « Je joue gros jeu en me trouvant demain en présence d'Armand, mais cette audace me sauvera. À moi, les 12 millions. » Et Jeanne, un homme comme moi, doit avoir une maîtresse de bonne race. Cependant, Sir Arthur et Sir Ralph couraient au galop de 2 chevaux anglais vers la rue Culture Sainte-Catherine, et tandis que le baronnet rentrait chez lui, ils arrivaient à l'hôtel de Kergaz. Bastien n'était pas à l'hôtel. Il se trouvait rue Mellet, auprès de Jeanne. Mais Armand, qui s'attendait depuis 2 jours à la visite de 2 témoins de Sir Williams, avait prévenu son Suisse. Et lorsque les 2 secrétaires d'ambassade se présentèrent et prononcèrent le nom de Bastien, ils furent introduits dans un salon au rez-de-chaussée où le comte les reçut avec une froide courtoisie. « Monsieur Bastien ? » demanda Sir Arthur avec une nuance de dédain dans la voix pour ce nom roturier. « Messieurs, répondit Armand, je ne suis pas celui que vous désirez voir, mais bien le comte Armand de Kergaz. » Les 2 gentlemen s'inclinèrent. « En ce cas, monsieur le comte, dit Sir Ralph en s'inclinant, « veuillez nous pardonner notre méprise et nous indiquer. Ceci est inutile, messieurs. Monsieur Bastien est un ami de mon père, feu le colonel de Kergaz. Il a le mien. Il habite sous mon toit et je le remplace en toute chose. Cependant, monsieur le comte, permettez-nous d'insister. Bastien est sorti. Il ne rentrera que ce soir fort tard. Alors nous reviendrons. Inutile encore, messieurs, Bastien m'a muni de ses pleins pouvoirs. Vous connaissez donc, monsieur, quel motif nous amène? Je m'en doute. Vous venez de la part de Sir Williams? Précisément, monsieur. Le comte indiqua un siège aux 2 jeunes gens et reprit. Bastien était abusé par une ressemblance étrange. Dominé par une conviction profonde, il s'est présenté chez Sir Williams. Il l'a grossièrement violenté, dit Sir Ralph. Outragé, insista Sir Arthur. Mais, interrompit froidement le comte, il a sur le champ, en reconnaissant sa méprise, adressé de franches et loyales excuses. « Que Sir Williams n'accepte point, monsieur. »« Cependant, messieurs, poursuivit le comte de Kergaz, pensez-vous que nous ne puissions trouver un biais un arrangement convenable pour empêcher une rencontre entre un jeune homme et un vieillard. Un sourire dédaigneux glissa sur les lèvres de Sir Arthur. Ce sourire froissa Armand qui désirait ardemment empêcher ce duel et le rappela des sentiments plus fiers. « Monsieur Bastien, dit-il, est brave comme une lame d'épée. S'il était là, il se lèverait, vous demanderait simplement votre heure et vos armes, messieurs. Mais moi, son témoin, je crois pouvoir... Monsieur le comte. » Interrompit Sir Arthur d'un ton impertinent. « Nous ne sommes venus ici que pour vous dicter nos conditions. » Armand réprima un mouvement de fierté blessée et répondit « Je le vois, messieurs, vous êtes entêtés. Dites vos conditions, je les écoute. » Le baronet Sir Williams, notre ami, désirait rencontrer M. Bastien demain. « Très bien. Quel lieu ?»« Au bois de Boulogne, non loin du pavillon d'Armenonville. Nous y serons, monsieur. » Sir Ralph et Sir Arthur s'inclinèrent. « À quelle heure ?» demanda Armand. « À 7 heures, monsieur. »« Très bien. » Quelles sont vos armes? L'épée, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Aucun, c'est l'arme des soldats et des gentilshommes. Les deux gentlemen se levèrent et prirent congé du comte, qui les reconduisit cérémonieusement jusqu'à la porte de son hôtel. Sir Ralph et Sir Arthur couraient rue Beaujon, où le baronnet les attendait. Eh bien, demanda-t-il, tout est accepté. Pour demain, 7 heures. Tout est pour le mieux. Et Sir Williams, avec le plus grand calme, offrit des cigares aux deux gentlemen, causa négligemment de toutes sortes de choses, et finit par laisser entendre qu'il était accablé de courses pour le reste de la journée, et qu'il désirait mettre un peu d'ordre dans ses affaires, ainsi qu'il convient un homme qui va jouer sa vie le lendemain. Sir Ralph et Sir Arthur se levèrent, après avoir pris rendez-vous pour 6 heures le lendemain. On devait partir de chez Williams dans son américaine, dans le coffre de laquelle on placerait les épées, et de là se rendre au bois de Boulogne. À peine les deux témoins de Sir William s'étaient-ils partis, qu'un nouveau personnage entra dans l'hôtel, traversa cour, vestibule, sans rien demander à personne, et monta jusqu'au cabinet de travail du baronnet. C'était Collard. Sir William avait reçu le beau préau et les jeunes Anglais avec courtoisie, mais sans empressement. Il ne s'était point départi avec eux de ce flegme tout britannique qui l'affectait si bien. Mais à la vue de Collard, il releva français des pieds à la tête et laissa échapper une exclamation de joie. « L'affaire marche, » dit Collard. « Tout va bien. Comment cela ?»« Le vieux ne couchera point, Rumelet. En es-tu sûr ?»« Très sûr. Le comte est venu le chercher. Qu'en sais-tu et comment le sais-tu ?» Avec la familiarité des subalternes se sentant nécessaire, Collard s'assit sur un divan, jeta dans le feu le bout de son cigare et regarda le baronnet. « Mon capitaine, » dit-il, « j'écoutais aux portes. Comme c'était convenu ou plutôt pour parler franc, j'écoutais à travers les planchers. Plaît-il ? Demanda Sir Williams. Comme c'était convenu du reste, j'ai pris mes renseignements dès hier soir. J'ai appris que l'étage au-dessus de celui où loge la petite était habité par une ouvrière qui va en journée mais qui, à l'occasion, fait une partie fine. Je l'ai entendue au sortir de son magasin et je lui ai conté un tas de bêtises qui lui ont tourné la tête. Et puis, fit Sir Williams, pressé de savoir, « Si bien, poursuivit Collard, qu'elle m'a emmené chez elle, que j'y suis resté. Que ce matin, nous avons fait une noce à tout casser en mangeant du pâté de foie gras et en buvant du Bordeaux, et que, tandis que la petite allait et venait par sa chambre, je me suis aperçu qu'on entendait tout ce qui se faisait et se disait à l'étage inférieur. Alors j'ai grisé mes amours, si bien grisé même qu'elle s'est endormie, et que j'ai pu me coucher à plat ventre et écouter tout à mon aise. Et qu'as-tu entendu ? Des choses insignifiantes chez la petite. Puis, vers 2 heures, la voix du comte chez le vieux Bastien. Et que disait le comte ? Il venait d'arriver sans doute et il disait « Mon vieil ami, tu as la tête verte comme un jeune homme et maintenant que le vin est tiré, il faut le boire. Tu te bats demain. »« Très bien, » a répondu Bastien. « Quelle heure et quelle arme ? À 7 heures, l'épée. » « Or, » ajoutait le comte, « il faut revenir à l'hôtel et y coucher ce soir, c'est le plus simple. »« Oh oh !» interrompit Sir Williams. Nous aurons le champ libre. En ce cas, Jeannette à nous. 2 jours s'étaient écoulés depuis que Mademoiselle de Madère, reconduisant Bastien jusqu'à sa porte, avait entrevu Armand de Kergaz. La jeune fille était rentrée chez elle, toute pensive et le cœur palpitant. C'était donc lui. Lui, dont avait parlé le vieux soldat avec enthousiasme. Lui que déjà elle aimait et qu'elle avait deviné. Et comme le premier amour d'une femme se développe avec une merveilleuse rapidité, Jeanne, toute frissonnante d'émotion, était allée s'enfermer dans son petit salon et s'était prise à écouter la voix d'Armand qui lui arrivait affaiblie mais distincte, à travers cette porte condamnée, et voici ce qu'elle entendit. « Mon vieux Bastien, » disait le comte à mi-voix, « dis-moi donc quelle est cette jeune fille chez qui tu étais tout à l'heure ?»« Une orpheline, monsieur le comte, » répondit Bastien. « C'est la fille du feu, le colonel de Balder. »« Je l'ai entrevue un soir, il y a 2 jours, » reprit Armand. « C'est elle à qui j'ai donné le bras le soir où j'ai tiré un ouvrier de la mauvais pas, à Belleville. »« Elle ?» fit Bastien qui jouait la surprise. « Oui, elle, » répondit Armand. « Elle qui m'a paru vertueuse et belle à moi qui, depuis si longtemps, rêvait. » Armand s'arrêta et Jeanne sentit son cœur battre violemment. Elle entendit alors le comte parler bas à Bastien, si bas qu'elle ne put saisir le sens de ses paroles. Mais aux pulsations précipitées de son cœur, elle devina qu'il parlait d'elle. Il pensa qu'Armand l'aimait déjà, peut-être. Alors, obéissant à cette innocente curiosité des jeunes filles, elle se glissa sur la pointe du pied jusqu'à ce trou de serrure par où, le matin, elle avait entrevu Bastien. Il put voir Armand assis, tenant sa belle tête grave et un peu triste dans ses mains, l'œil empli d'une mélancolie charmante, dans l'attitude d'un homme qui fait tout éveiller un rêve d'amour. Et Jeanne, une fois encore, se prit à songer que c'était là, peut-être, ce protecteur mystérieux que lui destinait la Providence, cet époux du ciel réservé à l'orpheline, ce bras robuste et loyal sur lequel le sien devait s'appuyer un jour. « Bastien, » dit tout à coup le comte en élevant un peu la voix, « je crois que je l'aime. » Jeanne chancela et, toute pâle, appuie la main sur son cœur. Son cœur battait à briser sa poitrine. « Mon Dieu, » reprit le comte, « qui sait ce n'est point la lettre que j'ai rêvée pour lui faire partager ma vie ?» Jeanne, frémissante, entendit alors M. de Kergas dérouler à son confident tout un vaste plan de bonheur conjugal, le programme charmant de cette vie à deux qui ne finira que par la mort de l'un de ceux que l'amour a réunis. Existence, toute de joie calme et pure. L'hiver, au fond de ce vaste hôtel si triste, si désert aujourd'hui. La jeune fille était si émue qu'elle ne put répondre, mais sa tête s'inclina en signe d'acquiescement. Le soir, en effet, vers 9 heures, Armand franchit le seuil de Jeanne en compagnie du vieux Bastien. Ce fut charmant de voir que ce premier tête-à-tête de ces 2 jeunes gens qui s'aimaient déjà et ne se l'étaient point avoué. Armand était musicien. Jeanne avait fait un peu de peinture. Les arts sont un trait d'union pour les âmes élevées et les intelligences d'élite. Ils causèrent musique, peinture, sculpture. Ils oublièrent le temps qui passait et le vieux Bastien qui, à l'écart, souriait à cet amour naissant. Et lorsque Armand se retira, elle avait obtenu la permission de revenir le lendemain. Et le cœur de Jeanne éclatait. La bonne Gertrude, elle aussi, avait deviné que sa jeune maîtresse allait bientôt perdre cette vie calme en son isolement qu'elle menait depuis son enfance, pour entrer dans cette phase d'émotion, de joie, de douleur, souvent, qui annonce le premier amour. Mais d'un coup d'œil, la vieille servante avait jugé et apprécié Armand. Elle s'était dit, les larmes aux yeux, « Ma pauvre chère enfant, aurait-elle donc trouvé un mari ?» Et Gertrude avait fait pour Jeanne ce rêve de chien fidèle que Bastien faisait pour Armand. La servante et le vieux soldat se rencontrèrent sur le carré le lendemain matin. Jeanne dormait encore, ou plutôt, elle avait fini par s'assoupir à la fin d'une nuit sans sommeil. Bastien salua Gertrude avec déférence, et sur la pointe du pied, il entra avec elle dans l'appartement et la suivit dans le petit salon où était son piano. « Ma bonne Gertrude, » lui dit-il en clignant confidentiellement de l'œil, « je voudrais causer un peu avec vous. » Gertrude lui fit la révérence à la mode de son pays, ce qui était la façon la plus respectueuse de saluer. « C'est bien de l'honneur pour une pauvre servante comme moi, » dit-elle en avançant en fauteuil à Bastien. « Je vous écoute, capitaine. » On s'en souvient, l'ancien hussard avait loué et remêlé sous le nom du capitaine Bastien. « Ma chère Gertrude, » dit-il en s'asseyant, « vous aimez beaucoup votre jeune maîtresse, n'est-ce pas ?»« Si je l'aime, Seigneur Dieu, » répondit Gertrude, « mais je l'ai vue naître, monsieur. » Je l'ai portée dans mes bras, et sauf votre respect, je la regarde sensément comme mon enfant. Vous voudriez la voir heureuse, n'est-ce pas ? Ah ! Murmura la servante avec un accent parti du cœur. Je donnerai ma part de paradis pour cela. Quand on pense, mon bon monsieur, que cette chère enfant du bon Dieu, qui semble faite pour habiter un palais et rouler voiture comme une jeune fille de bonne maison qu'elle est, s'est mise à travailler depuis 2 jours, ni plus ni moins qu'une mercenaire, une pauvre servante comme moi. C'est à fondre le cœur. Bonne Gertrude, murmura Bastien, ému. Est-ce Dieu possible, monsieur, continua la servante avec véhémence, que la fille d'un colonel, une demoiselle noble et belle comme les amours, en soit tout à l'heure réduite à travailler pour vivre. » Et Gertrude essuya une larme. Bastien prit la grosse main de la servante dans les siennes, la pressa affectueusement et lui dit « Qui sait ? Peut-être que mademoiselle Jeanne s'éveillera riche, heureuse, aimée un matin. « Oh ! » murmura Gertrude, dont la voix tremblait d'émotion. « Dieu serait juste et bon s'il faisait cela. Il le fera peut-être, » répondit Bastien. Et il ajouta d'un air mystérieux. « Vous avez vu le jeune homme qui est venu hier soir ?»« Oui, » dit Gertrude, « un beau garçon, distingué autant qu'un prince. C'est le comte Armand de Kergaz. « Ah ! » dit la servante avec joie. « Il a 600 000 livres de rente. » poursuivit l'ancien hussard. Gertrude soupira. « C'est trop, » dit-elle, « beaucoup trop. » « Pourquoi cela, Gertrude ?»« Parce que lorsqu'on est si riche, on n'aime pas une pauvre demoiselle comme mademoiselle Jeanne. »« Vous vous trompez, Gertrude, il l'aime déjà. » Un cri de joie étouffé vint mourir sous les lèvres de la vieille servante. « Oui, » murmura Bastien, « il l'aime. Il l'aime éperdument. » Mais Gertrude était devenue toute rouge et une sorte de terreur se manifestait sur son visage. « Monsieur, » dit-elle, « monsieur le capitaine, si vous me trompiez cependant. » « Moi, vous trompez, Gertrude. » « Je m'entends, » dit-elle, « si le comte aimait mademoiselle, comme on aime quand on est riche une jeune fille qui est pauvre. »« Gertrude !» s'écria Bastien, qui comprit la subite défiance de la servante. « Ah, c'est que voyez-vous » s'écria-t-elle. « Je suis sa mère à présent. » « Moi, je dois veiller sur elle comme un trésor. Je mourrai plutôt. Il faudrait me mettre en pièces avant qu'un homme arrive jusqu'à elle, si cet homme n'était pas son mari. Rassurez-vous, Gertrude, monsieur le comte de Kergaz est un gentilhomme. Il ne séduit pas les jeunes filles. Il aime votre jeune maîtresse et il veut l'épouser. » « Ah !» dit Gertrude avec joie. « À la bonne heure. Nous pouvons parler maintenant. » « Eh bien, » reprit Bastien, « il faut nous entendre, nous, Gertrude. J'aime monsieur de Kergaz autant que vous aimez mademoiselle Jeanne. Je le regarde comme mon enfant et je veux qu'il soit heureux. Que dois-je faire, monsieur ? Il faut m'aider. Faire comprendre à mademoiselle Jeanne qu'il ne vous aura pas toujours, qu'un jour viendra où il faudra un protecteur, un mari, et vous parlerez de monsieur de Kergaz. » « Soyez tranquille, monsieur, » répondit Gertrude avec une joie d'enfant. Et Gertrude, en effet, s'acquitta de sa mission avec cette diplomatie du cœur qui rend intelligente et forte les natures les plus incultes. Et Jeanne, que son secret étouffait, se laissa aller à des confidences. Elle avoua qu'elle aimait Armand, et la bonne Gertrude se prit à fondre en larmes, tant elle se sentait heureuse à la pensée que sa jeune maîtresse allait quitter bientôt cet affreux taudis où elle était, pour habiter un bel hôtel, avoir des chevaux, des gens, un train de maison. L'imagination de la pauvre servante lui déroulait l'avenir sous les plus riantes couleurs.